Ok, un. Ok, ouais, c'est carrément. Ok. Y'a des vérités pas bonnes à dire, alors on se les garde. Bien qu'ils nous écartent, la bonne voix on s'égare. On vient en chef car, on fait des yes car. Si tu veux changer de car, okay, t'es le bienvenu dans mon check-car. Laisse-moi trironner, nous c'est le genre macaque. Rodé au dilon, collé au sillon. Fait que pion c'est normal que nos nuits soient si longues. Marque ce putain de journée où y'a pas de pilon. Moi je lâche pas le filon parce que je sais bien qui on est. Alors fais pas la Beyoncé quand tu croises un gros de mon staff. En vérité, nous c'est le genre de car social qui te fourre sans LSD. Ce que tu recherches c'est la stabilité, nous c'est ta stérilité femme. On veut pas ton drame à la Walt Disney, ok. Activiste, pacifiste, tu vois, j'optimise mon optimisme, moi. On adoucit nos rages dans ce mal-être au quotidien. Et vu que tu tiens, frelo, faut que tu laisses passer l'orage. Y'a pas de Richard Cochen dans mon équipe, pas question d'éthique entre nous, pas d'ethnie, sans que vous nous le rappeliez. Ceux qui ont des sous en veulent à Dieu donner, parce qu'ils mangent pas cachère, c'est trop cher la vérité. Et lui l'a compris, alors il s'est barré, ma gueule. L'amitié c'est quoi devant tes convictions? Ta soumission est éternelle, alors je la tourne en dérision. Eh hey, petit flicaillon, tu peux ranger tes bracelets, je suis pas simple et couillon. Je compte bien garder mes lacets à ta place. J'éviterai de mettre le feu aux poudres, de mettre le nègre dans le four. Car les âmes que tu fournis au carrefour se retrouvent dans ton carrefour. Frelo, je vais pas me prendre la tête sur tes victoires. Sors tes dieux pour le code noir, vu que c'est notre histoire. Je vais pas te surenchérir la souffrance d'autrui. Autrement dit, je vais pas te mentir sous prétexte qu'ils vendent mon ce que dit. On dit qu'en affaire avec eux, y'a qu'une condition, c'est que tu la fermes. Et même fier de ce que nous sommes, ce qu'ils veulent, c'est qu'on s'extermine. Viens prendre ton rap en otage et ta pouffe avec, en espérant que ça t'affecte, j'défecte sur ta politique de vermine. Nous c'est la guerre et il faut qu'elle ait un terme. Faut que tu nous rendes notre terre avec tout ce qu'il y avait avec. Je vais pas me contenter du petit îlot de merde où tu nous lâchas. Ce qu'on veut c'est la vie de Pacha, aux côtés de ta chatte sale facho. Renoir, ce qu'on veut c'est s'enrichir et pas qu'en vendant du shit. Donne-nous le pouvoir et tu verras comment on réussit. Y'a des vérités pas bonnes à dire, alors on se les garde. Bien qu'ils nous écartent, la bonne voix on s'égare. On vient en chef car, on fait des yes car. Si tu veux changer de cam, t'es bienvenu dans mon check. Des vérités pas bonnes à dire, alors on se les garde. Bien qu'ils nous écartent, la bonne voix on s'égare. On vient en chef car, on fait des yes car. Si tu veux changer de cam, t'es bienvenu dans mon paysage. Avec des plaques au chaume du, des crocos qu'on obture, des cas sociaux dans l'actu. Bref, que des mecs qu'on battune. Maintenant faut que tu rates la facture. Aussitôt que ta caisse sera la crime, dépose ton acte de vente avant qu'on calcine. La pine t'en aura pas, du vice on t'en fera pas. Sors vite ta Mastercard avant que ça parte en rafale. Nous à la barre on a fait du temps au rempart. Trompe pas car t'auras pas d'autre chance une fois en bas, m'a dit la dame en noir. Alors j'écope chaque soir d'une punition mentale. Je me revois capable d'agir devant ce ton mâme, lorgnant mon trou de balle. J'ai tellement les boules mal qu'au bout du compte tu finis par toucher le fond. Tu flippes la paternité, tu te rends compte que t'es qu'un con. Y'a des vérités pas bonnes à dire, alors on se les garde. Vu qu'on ne vit qu'une fois négro, juste m'écarte. De la paix, on s'écarte, nos vies c'est comme du stop-car. On s'en tape tes mises en garde, tu crois où à ils en garde. Ou quoi ma gueule, si j'avais du temps à perdre, ça saurait. S'il y avait du genre à faire, ça se verrait. Garçon, sors ton rêve. Nous c'est les enfants terribles de la jet couille. Nous on douille pour un paquet de sous et on saoule pour se taper une pouille. La vérité, c'est bien celle que tu connais. Nous c'est les mecs au sang glacé, prêts à se venger du passé. On veut s'armer d'intellect et pas rentrer dans vos boîtes sélectives. Effectivement, le problème est plus profond, alors je vois pas pourquoi on se prive de vous. Mettre des bâtons dans les roues, car nos mères ne nous ont pas mis au monde pour qu'on finisse dans votre trou. Garçon, si j'ai raison, lève le bras comme dans la chanson. Je t'en prie, fais attention, car ils veulent avoir raison. Les laisse pas faire, ma gueule. Les laisse pas faire. Nous on est là, on est intelligent, et on frappe notre pays un vrai truc. Tu le sais, y'a des vérités pas bonnes à dire. Ok, y'a des vérités pas bonnes à dire. Alors on se les garde, bien qu'ils nous écartent, la bonne voix on s'égare. On vit en chef car, on fait des yes car. Si tu veux changer de car, t'es bienvenu dans mon check-car. T'es le bienvenu dans mon check-car, ma gueule. Ok. Ok. Bienvenue dans notre check-car. Ça c'est mon sauce. Ma doubleur bitumale, mon frère. Ma Trégor. Toujours aussi fort.